Le propriétaire de Métro Plus d'Olbeau-Mistassini-Saint-Félicien, M. Danny Boutin et toute son équipe, vous souhaite de joyeuses fêtes et vous rappelle que pour vos différents parties des fêtes, une équipe de professionnels sera là pour bien vous conseiller. Surveillez bien nos circulaires pour alléger votre budget du temps des fêtes. M. Danny Boutin vous invite à visiter sa page Facebook ou notre site Internet au metrodb.ca pour les différentes promotions. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde, 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien. 88-679-41-94. Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 Boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, au 88-276-0580. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. BR Métal, avec ses quatre divisions mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture, désire souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. BR Métal est un employeur important dans le secteur de Dolbeau-Mistassini et continue sa croissance. BR Métal est situé au 353 rue Gustave Dessureau, au numéro de téléphone 418-276-5888. C'est maintenant la revue de l'année de notre ami Phil Desgagnes. Salut Phil! Bonjour, Danny. Phil, qu'est-ce que tu as retenu en 2018? Ben, écoutez, c'est la planète hockey, parce qu'on en parle beaucoup. Ouais. Moi, je pense que c'est Las Vegas. OK. Difficile de passer à côté de Las Vegas, une équipe d'expansion. Tout le monde ridiculisait presque cette équipe-là au départ. C'était les rejets un peu de toutes les formations, mais c'est le travail que le directeur général a réussi à faire. La job que Gérard Gallant a fait comme instructeur de hockey, les finales de la Coupe Stanley, il n'y a personne qui a engagé $1 contre $100 là-dessus, on aurait dit on perd le dollar. Non, hein? Non. Ouais, effectivement. Quand on regarde ça, je pense que c'est difficile de passer à côté du succès qu'a obtenu Las Vegas. Et ça, faut dire un chapeau au directeur gérant qui a négocié avec des équipes. Et je pense que c'est malhonnête de dire, par exemple, que l'équipe d'expansion de Vegas, si on compare aux équipes d'expansion il y a 20 ans ou 30 ans, on donnait pas, on n'avait pas de plafond salarial, on n'avait rien de ça. Je donne un exemple, il aurait été impossible à ce moment-là de se retrouver avec un Fleury dans le filet. Là. Pourquoi? Parce que Fleury, à Pittsburgh, à cause du plafond salarial, on ne pouvait plus le garder. Donc, on pouvait se permettre de dire, on va le laisser au balotage, cette équipe-là va le ramasser, on va s'enlever 5 ou 6 millions sur notre échelle salariale. Et c'est arrivé à quelques joueurs comme ça. C'est un peu ce que le Canadien a fait, libérer des joueurs qui étaient sous plafond salarial. Mais ça demeure qu'en début d'année, personne ne les aurait cru, le succès qu'ils ont obtenu à tous les niveaux. Et chapeau à l'instructeur qui a convaincu ces joueurs-là de dire « Hey, vous n'êtes pas les rejets. On a négocié des ententes avec des clubs pour obtenir vos services. » Ils étaient des joueurs quand même d'une importance quand même avec certains clubs là-dedans. Puis on voit les résultats aujourd'hui. Ben, c'était exceptionnel. Puis il y a un autre facteur, Danny, qu'on ne tient peut-être pas compte. C'est que je pense que tout le monde les a pris à la légère. Sauf qu'à la milieu de la saison, on s'est rendu compte, wow, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de performer, là. Ils sont en tête de leur division, de leur conférence. Ils performent. Et ils sont allés jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Ça, c'est... Moi, à mon avis, ça prenait hockey. Ça a été vraiment le summum. Y a-t-il d'autres choses, une nouvelle... Moi, je pense qu'au niveau local, Samuel Girard. Okay. Samuel Girard, quand tu regardes, tu sais, 18 ans, repêché, entre pas de club, s'en va là-bas, il est avec Nashville, un club pacté, un club qui est allé presque tout rafler. Tu dis, il n'y a pas de place pour eux, il y a un Big Tree là-bas. Mais là, on le garde quand même. commence sa saison, il prend action, ça va au Colorado, là, tout le monde m'a douté, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va retourner chez les juniors? Il est arrivé au Colorado, puis il joue 20, 21, 22, 23 minutes par match, puis il paye 160 livres, c'est à peu près le deuxième plus petit joueur de toute la Ligue nationale de hockey, puis il joue comme un gros, comme on dit dans le langage. Moi, lui, ça m'impressionne énormément, ce qu'il réussit. Je le regardais l'autre soir contre le Canadien de Montréal, il a l'air d'un vétéran sur la glace, on lui fait confiance, puis le 20 minutes qu'il a, là, il joue pas sur l'avantage numérique, ou très peu sur le désavantage numérique. Donc, il joue ça en temps régulier. Ça veut dire qu'en temps régulier, c'est le défenseur le plus utilisé à peu près par son coach. Ouais. C'est assez exceptionnel comme performance. Et deux, alors que Junior, puis Pee-wee, puis Bantam, puis Jet, on parlait juste de son attaque. Mais là, dans la Ligue nationale de hockey, on garde son jeu défensif. C'est exceptionnel qu'il réussit à faire. Aller d'un coin de bande, sortir de là avec la rondelle, un contre un contre des gros joueurs devant le filet. Moi, personnellement, Samuel Girard, je le trouvais bon, Pam Tam, je le trouvais bon, Midget, Junior Major aussi. Mais dans la Ligue nationale de hockey, là, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Puis moi, je pense que. Il n'a pas fini, hein? L'année passée, il a surpris tout le monde. On dit qu'un défenseur, ça arrive à son apogée à 27 ans. Fait que, tu sais, il est vraiment pas fini, là. Non, loin de là. C'est un joueur majeur. C'est un gars gentil. Je regarde un peu Nashville. Aujourd'hui, ils doivent se dire, pas sûr qu'on a fait la bonne transaction, là. Pas sûr qu'on a échangé le bon joueur. Mais au Colorado, ben, on est heureux et on est content du résultat. Puis il performe bien avec le club qu'il a également. Je suis pas sûr. Puis il est très gentil aussi. Pour l'avoir interviewé plusieurs fois, là, c'est un gars qui se prend pas pour un autre. Il reste humain. Il reste. Ouais. Écoute, je le regarde sur son Facebook. Là, il se promène partout. Il montre ça. Il est à la découverte. Il est respectueux de tout ce qui se passe. Il est franc avec les gens. Puis les gens l'aiment comme ça également. Il y a l'autre Samuel Girard qui est en patinage. L'année passée. Il est devenu une méga star à travers toute la planète au complet. Ouais, là. Effectivement. Sur courte piste, c'est un autre joueur exceptionnel, un patineur tout à fait fantastique, qui a remporté des médailles avec les Olympiques et tout, et qui est une grande vedette aussi. Là. Les deux Samuel Girard dans notre région, là, on peut lui dire un coup de chapeau. Okay. Au niveau professionnel, là, c'est nos deux grandes valeurs actuelles. Moi, Phil, j'ai trois points que je veux te partager. Ma première grosse nouvelle, c'est la Coupe du monde de soccer, l'obtention de la Coupe du monde de soccer pour le Canada 2026. J'ai l'impression que ça va changer beaucoup le soccer au Canada, ça. C'est vrai, Danny, pour une raison, c'est que de plus en plus, il y a beaucoup d'adeptes du soccer. Ouais. Le soccer est devenu... Et deuxièmement, moi, je pense que le soccer se vend actuellement pour une raison. La télévision présente des matchs de soccer à peu près tous les jours. Ouais. De plus en plus. Donc, à ce moment-là, oui. Au Québec, en plus, on a une équipe à Montréal qui s'appelle l'Impact. Vous allez me dire, c'est pas la meilleure équipe de la MLS, mais ça demeure quand même une équipe qui est professionnelle, qui a des joueurs, puis qui remplissent en moyenne 20-25 000 par match. 20-25 000, c'est mieux que les Alouettes, c'est aussi bien que le Canadien de Montréal, quand tu regardes le nombre de spectateurs total. Donc, le soccer prend de plus en plus d'espoir. Et deux, c'est chez les jeunes. Tu t'en vas partout. Actuellement, si t'as pas un soccer dôme, là, on va en avoir un à Saguenay, là. T'es plus à mode, t'es plus hot, là. T'en en prends un partout actuellement dans toutes les régions du Québec. Pourquoi? Parce que le soccer est devenu un sport pratiqué pour les jeunes un peu partout, puis ça fonctionne actuellement. Même si le soccer, quelque part, même si on va avoir 10 matchs, puis on sait même pas si Montréal va être là-dedans, là, il reste que c'est quand même, ça va créer un buzz, puis l'impact aussi, pas l'impact, mais je veux dire, l'équipe canadienne est assurée de participer à quelques matchs de la Coupe du Monde. Donc, c'est pour ça qu'à quelque part... Écoute, c'est sûr que ça va être un événement majeur, mais je suis convaincu qu'on va faire ça le compte partout où ça va passer, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Deuxième point, je suis vraiment pas un amateur de golf, je connais rien au golf, j'aime pas le golf. Toi, t'aimes ça, mais Tiger Woods est plus gros que son sport. Puis le retour de Tiger, quelque part, en forme, puis d'avoir gagné un tournoi, c'est majeur en 2018, ça. D'ailleurs, moi, le meilleur commentaire, ce sont les professionnels eux-mêmes qui disent, quand Tiger est dans un tournoi, c'est pas le même challenge. Mais non. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Deux, c'est un joueur quand même qui retrouve sa santé, puis retrouve au niveau physique. Pis, il ne gagnera pas comme il a déjà gagné parce qu'il est dominant. Mais il y a une chose que le golf a fait depuis quand même 10 ans et depuis quand même plusieurs années, c'est que là, tous les meilleurs golfeurs de la planète sont rendus maintenant sur le PGA Tour. Avant, tu avais 90% t'as des Américains, très peu d'Européens. Maintenant, tu as les Européens, tu as les Asiatiques, tu as les joueurs de partout à travers le monde qui jouent dans la PGA Tour. À ce moment-là, ça devient difficile. Deux, c'est que la marge d'erreur est de moins en moins grande pour les gens qui gagnent, à cause de la qualité des joueurs. Les joueurs, ils sortent là, des universités à 23, 24, 25 ans, ils sont matures, ils ont vécu de la compétition au niveau universitaire, ils sont prêts à gagner. Donc, les terrains aussi sont de plus en plus longs. Donc, ça prend des joueurs qui frappent de plus en plus loin avec précision. C'est pas tout à fait vrai pour les gars qui arrivent à 40 ans, 42 ans, 43 ans. Ils peuvent bien frapper une couple de fois à 300 verges, mais les jeunes joueurs de 23, 24, 25 ans, ils frappent ça à chaque coup, eux autres. C'est différent de ce côté-là. Puis les terrains ça deviennent de plus en plus compliqués, plus en plus difficiles, et moi, je pense que c'est bon pour le golf. Puis, mais Tiger Woods, en revenant cette année, avec un niveau de jeu beaucoup supérieur à ce qu'il y avait les années antérieures, ça donnait un nouvel élément au golf. Ça, il n'y a aucun doute. Les codes d'écoute sont là pour prouver les résultats également. C'est plus gros que son sport. C'est plus gros que Michael Jordan. C'est plus gros. C'est comme Mohamed Ali. Tiger Woods, c'est une méga vedette. Ouais, c'est Mohamed Ali. C'est une machine à argent, à imprimer de l'argent. Écoutez, il n'a pas joué l'année passée, il a gagné 70 millions. Là. Si tu regardes ça, là, il est milliardaire. C'est le premier athlète milliardaire. Là. Donc, quand tu regardes ça, là, c'est une machine à imprimer de l'argent. Et partout où il va, il a changé également son attitude. Tu ne dis pas qu'il a changé du 100%. Ouais. Il est plus près de son monde. Il est plus près des gens également. Il contrôle mieux son caractère. C'est correct. Avant, lui, c'était pas autre chose que gagner. Maintenant, je pense qu'il veut, c'est de donner à son sport ce que le sport lui a donné. Donc, c'est sa visibilité. C'est d'être présent dans les tournois. C'est d'être également plus sympathique avec la foule. Et c'est toutes des choses que Tiger a améliorées. Mais ça vient avec l'âge et la maturité. Je pense que Tiger est rendu. Et le dernier point c'est sur la scène régionale. Écoute, on a ri de. C'est les championnats. C'est niaiseux, là, mais les championnats du monde de pétanque à Desbiens. J'étais là, moi, puis j'ai vu la fierté des gens de Desbiens. Écoute, c'était majeur, là, pour des petits villages de 1000 personnes. Les championnats du monde de Desbiens. Quand on a annoncé qu'il obtiendrait ça, effectivement, on a tout polarisé, mais tout le monde disait, c'est quoi cette affaire-là? Les championnats du monde de pétanque. Et quand tu regardes le succès que ça a obtenu, la visibilité que Desbiens a reçue à travers, et deux, les équipes qui sont venues participer à ça, là, c'est des professionnels de leur sport. Ces gens-là sont venus organiser avec des équipes, des techniques, des entraîneurs. Puis je pense qu'on a vu que ce sport-là, qui est de plus en plus populaire auprès d'une certaine clientèle, ben, donne des bons résultats, puis bravo aux gens de Desbiens qui ont connu du succès. Ben, je pense que c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Écoute, c'était diffusé en direct en France, à la télévision française. C'était ridicule, là, mais on a tout ri, mais voyons, Nicolas Martel, coup de chapeau, là, puis ça a amené des retombées incroyables pour la région. Là. Oui, c'est sûr. Okay. On se quitte là-dessus. Merci beaucoup. Une belle année. Continue ton excellent travail, puis ça me fait toujours plaisir de collaborer. Joyeuse fête, Phil. Merci, Phil.